Chapitre 34e, un brave. Il était là, sur cette large chaise de bois qui semblait trop petite pour son énorme corps, comme un fauve pris au piège. Tom Twig avait bien dit « Le général fera le fauve ». C'était bien en effet des cris de fauve que poussait le général. Mais ces hurlements devenaient gênants pour les aides. Non qu'on les entendît du dehors, c'était impossible. Même le vieux poilu à la barre sur le pont, par conséquent au-dessus même de la pièce où se déroulait ce drame, ne percevait à peine qu'un murmure, ne distinguait aucune voix. Les cris n'arrivaient pas jusqu'à lui. Cependant, si les hurlements du général ne sortaient pas de la péniche, ils emplissaient la cale, devenue salle de tribunal. Ils assourdissaient les aides. Zygomar alors fit un signe et les assesseurs passèrent de force au général un bâillon dans la bouche après une lutte terrible, le malheureux se défendant à coups de dents. Le général, ainsi maintenu, bâillonné, était peut-être plus terrifiant. Sa colère, sa rage, semblaient s'être concentrées dans le haut de la figure, et les yeux grands ouverts lançaient vraiment des éclairs. Alors, pouvant parler, se faire entendre, Zygomar reprit « Général Sobarov, aucune puissance humaine n'est assez forte pour t'arracher de nos mains. Tu es à nous, absolument à nous. Comme toujours, quand il le veut, Zygomar vainqueur est le maître. Cependant, général Sobarov, tu tiens sur tes lèvres closes en ce moment ta destinée. C'est toi qui vas prononcer ta grâce ou ton arrêt de mort. » Zygomar s'arrêta quelques secondes pour donner au général le temps de comprendre, de réfléchir, de préparer sa réponse. Puis il reprit. « Si tu nous dis où est déposée, cachée, la fortune du prince Grigoriski, que tu détiens injustement, contre tout droit, tu seras délivré. Dès que nous aurons touché cette fortune, tu seras rendu à la liberté. Si tu refuses, tu peux dire adieu au jour. Tu ne descendras pas vivant de ton échafaud. On va détacher ton bâillon. Tu as une minute pour faire connaître ta décision à Zygomar. » Les assesseurs enlevèrent le bâillon qui fermait la bouche du général. Celui-ci, au lieu de répondre, recommença à lancer des insultes, des jurons, des menaces de terrible vengeance. Zygomar, impassible, sans bouger, maintenant toujours sa cagoule contre sa figure, écoutait passer ce déluge d'injures. La minute passée, il fit un signe. Les assesseurs remirent le bâillon. « Général Sobarov, reprit Zygomar, pour la dernière fois, Zygomar te demande rendre cette fortune que tu détiens injustement. On va t'enlever encore le bâillon, et ta réponse va décider de ton sort immédiat. Si tu refuses, si tu crois pouvoir lutter contre Zygomar, quelques tours de garrotte te seront appliqués. » Sur un nouveau signe du maître, les assesseurs enlevèrent à nouveau le bâillon. Le général, cette fois, ne se contenta pas d'injurier, de menacer, il parla. « Bandit que tu es, infâme Zygomar, je me ris de tes menaces. « Et je te méprise, tu n'auras rien. Cette fortune appartient à la divine Johanna, à Amédéa, à elle seule, je la rendrai. Ton supplice va commencer. Eh bien, je subirai ce supplice, et tu ne sauras rien. » La torture est épouvantable. Elle pourra m'arracher des cris, pas une lâcheté. Tes chairs vont être tailladées, j'en ai l'habitude. Tes os vont craquer, être brisés. Je suis soldat, et j'ai toujours fait bon marché de ma vieille carcasse. Alors prépare-toi à endurer la plus horrible des tortures que l'homme puisse supporter. Je suis prêt. Loin de m'effrayer, prince Grigoriski, loin de m'épouvanter, Zygomar que tu me ravis. Tes tortures, mais je les accepte avec plaisir, je les attends, je les réclame. Plus tu me feras souffrir, plus je serai heureux. Tu parles comme un fou. Tu ne te doutes pas de la douleur qui t'attend. Et toi, tu ne te doutes pas de ce qui est en mon cœur. Tu ne comprends pas la lourdeur du passé, et tu ne vois pas que ces souffrances seront pour moi le rachat de mon âme. » Alors, fièrement, redressant la tête, le général, en ce moment vraiment beau dans son horreur, vraiment grand, magnifiquement héroïque, ajouta « Allons, bandit, finissons-en. Tu vois bien que nous perdons du temps inutilement. Tu sens bien, n'est-ce pas, que tu ne feras pas fléchir ma volonté. Allons, torture mon corps. » Zygomar fit un signe. Les assesseurs donnèrent un tour de roue. Un cri d'effroyable douleur échappa de la gorge du général. « Dis-nous où est l'argent ?» demanda Zygomar. « Non !» répondit le général. Un nouveau tour de garrotte fut donné et un cri plus affreux que le premier le suivit. « Dis-nous où est l'argent ?» demanda encore Zygomar. « Non, il appartient à Johanna, à Amédéa !» les assesseurs, une troisième fois, tournèrent leur vis sans fin, qui resserrant les cordes, appuyant porte-à-faux, brisaient lentement les membres du patient. Des craquements s'entendirent, les os du général venaient d'être cassés. « L'argent ! » redemanda Zigomar. « Non !» Le sang maintenant coulait par la bouche du général. Un nouvel assesseur se plaça près de lui, revêtu d'une cagoule jaune, des flacons, des éponges à la main. C'était un médecin qui devait assister le supplicié. Il lui passa une éponge sur le front, fit glisser du cordial dans sa gorge. « L'argent !» demanda encore, implacable, Zigomar. « À Johanna !» répondit le général. « À Amédéa !» Zigomar alors dit aux assesseurs. « Puisque la garrotte ne lui fait rien, appliquez-lui le cordon de feu. » Les assesseurs entourèrent le corps du général de cordons de mine à combustion lente. Ils allumèrent un bout. Peu à peu, l'odeur de roussi emplissait la cale. Le cordon de feu brûlait, pénétrant dans les chairs, et y produisant la plus terrible, la plus épouvantable des brûlures, creusant un sillon, causant une des douleurs les plus cruelles qu'on puisse ressentir. Cette fois, la souffrance fut si grande que le colosse aux membres cassés trouva encore assez de force pour, en se tordant, briser la garrotte, la renverser. Le général roula à terre, râlant. Zigomar, quittant son siège, vint à lui. « Dis-moi où est l'argent ? » lui dit-il. Un mot coupé de hoquets de douleur, le général, avec des jurons, répondit. « Non, Brandy, non, je ne te le dirai pas. La fortune est encore plus grande que tu ne le crois, misérable, et tu ne l'auras pas. Elle est à Amédéa, elle est à Johanna. Non, tu n'auras rien, rien !» Zigomar, furieux, les dents serrées, ajouta. « Tu vas encore plus souffrir. Je vais te faire appliquer le suprême supplice. » Mais le général eut comme un rire de défi, de triomphe. « Amédéa, Johanna, j'ai gagné ton pardon, Johanna !» Et il eut un dernier soubresaut et retomba. Le zèle en cagoule jaune, le médecin s'approcha, examina le corps. « Mort !» fit-il. Le général avait emporté son secret et par cette dernière heure d'héroïsme payé le passé. Zigomar furieux lança un blasphème sur ce cadavre. Zigomar, le maître, le vainqueur, n'avait pu dompter ce vieillard. Zigomar était vaincu par la mort. Parmi les aides, alors, constatant ce résultat négatif, il y eut un moment de consternation absolue. Cependant, Zigomar allait prendre la parole, faire comme toujours quelques promesses pour calmer ses hommes anxieux et les rassurer, les retenir, quand le panneau du plafond s'ouvrit. Le vieux poilu passa la tête. « Acré ! » dit-il. « Zigomar, je crois que nous sommes cernés !» Tous les aides levèrent la tête, puis tournèrent les yeux vers Zigomar. « Oui !» reprit le vieux poilu. « Il y a sur les deux berges des gens qui nous suivent, sur la route des automobiles. »« Ce sont des passants !» dit Zigomar. « Non ! Et le gamin de l'équipage vient de me siffler l'approche des agents. « Allons donc, des gardes forestiers, des douaniers peut-être » fit Zigomar, voulant se rassurer lui-même. « Non, maître, non. À ma demande, il a sifflé le grand signal. Alors, c'est Paulin Broquet qui est là. » À ce nom, un cri de terreur, de rage, retentit parmi les aides. Puis, une stupeur profonde s'empara de tous ces hommes qui, dans leur effroi, ne savaient que faire. Pas un, en cette minute d'effarement, ne douta de la présence du détective. Ce fut un effondrement général. Enfermé dans cette cale, presque sans issue, chacun de ces bandits put, par un effet d'autosuggestion, se croire déjà en prison. Dans le silence qui s'était fait soudain, comme chaque fois dans les premières minutes de frayeur inattendue, on peut entendre une voix crier du dehors. « Hé là, de la péniche !» Les aides, muets d'épouvante, crurent reconnaître le timbre de la voix qui venait à eux par le panneau laissé découvert par le vieux poilu. C'était la voix de Paulin Broquet. On ne pouvait en douter. Tous les aides la reconnaissaient. La voix reprit sur un ton autoritaire, ferme. « Accoste tout de suite !» Les grelots du cheval et de l'âne ne résonnaient plus. Les animaux étaient donc arrêtés. La péniche ne marchait plus, et déjà des hommes, les hommes de Paulin Broquet, tiraient l'amarre pour amener la péniche contre le quai. Alors, le vieux poilu se pencha encore par l'écoutille. Il demanda à Zigomar. « Maître, qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Coupe l'amarre d'abord !» cria Zigomar. Mais à ce moment, l'odeur de la chair carbonisée du général parvint au vieux poilu. La mèche continua à brûler lentement. « Qu'est-ce qui brûle en bas ?» demanda vivement le vieux poilu. « Ne t'inquiète pas !» répondit Zigomar. Mais le vieux poilu avait vu le point rouge de la mèche. Maintenant, ce n'était plus seulement dans les chairs du cadavre qu'elle poursuivait sa marche lente. la traînée de feu entamait en même temps le plancher de la péniche. Alors le vieux poilu poussa un cri de terreur. « Sauf qui peut ! Vous avez mis le feu à la cale ! Et j'ai en contrebande sous les planches un chargement de poudre et de dynamite !» Ce qui se passe alors dans la cale de la péniche ne peut se deviner. Aucune plume n'en donnerait l'illusion. Le combat que se livrèrent ces bandits se ruant vers le petit panneau ouvert fut épouvantable. Les couteaux jouèrent, les revolvers parlèrent, et ce fut une tuerie, une boucherie épouvantable. Tout ce qu'une imagination exaspérée peut concevoir d'horrible, de lâche, de cruel, se déroula dans cette péniche. Ce n'étaient plus des hommes, mais les plus féroces des animaux qui combattaient, s'assommaient, se tuaient pour gagner la petite échelle, parvenir à l'écoutille, sortir par le panneau. Des hurlements effroyables sortaient de la péniche, arrivaient jusqu'à Paulin Broquet, à ses hommes, leur révélant ce qui se déroulait là, tout près d'eux, dans cette péniche, le drame épouvantable qui s'y jouait. Ils n'avaient qu'à attendre. Tout à coup une gerbe de feu s'éleva. Une explosion terrible eut lieu. La péniche venait de sauter. Paulin Broquet, ses hommes, n'eurent plus dans la nuit qu'à recueillir des corps épouvantablement déchirés, défigurés, des débris de cadavres. Ils trouvèrent ainsi le corps du général, qui flottait toujours, attaché à sa garotte. Et un peu plus loin, un jeune homme dans une chaloupe, qui prêtait son concours à Paulin Broquet, recueillit une cagoule en soie rouge, déchirée, brûlée en partie. La cagoule portait le grand Z en galon d'or. C'était la cagoule de Zigomar. Et le jeune homme, en la montrant à Paulin Broquet, lui dit sur un ton désespéré « Mais s'il est mort, jamais nous ne saurons où est mon enfant. Pour toujours j'ai perdu ma darling. » En se penchant, accablé, pour cacher dans ses mains son visage inondé de larmes, le jeune homme montra sous son grossier chapeau de feutre une tresse blonde qui venait de se dérouler. C'était la femme rousse. Et Paulin Broquet, s'approchant d'elle, lui murmura à l'oreille « Je ne puis vous dire qu'un mot, espérez !» Ainsi s'achève, dans l'au-delà, deuxième partie de La Femme Rousse, livre cinquième de Zigomar, par Léon Sazy.